Ardèche me chantait Hola hola, viens donc boire une Guinness. Au bistrot que tu vois là-bas, je lui répondis bien amer que je n'aurais pas même craché sur un grand verre d'eau de mer, mais que mes poches étaient troublées. Mon réceptacle assoiffé n'étant pas simple à résigner, il finit par verser en moi des principes sans foi ni loi qui m'a paru. Une fois parue, une vieille richissime dame toute solitaire au coin de rue, d'une rhétorique sans égal. En effet, vu la canicule, la vieille c'est sûr ne passerait pas. Son été, ça serait ridicule de s'impatienter jusque-là. Or, à peine eus-je pris le temps de lui dire bonjour, bonne mère, que la grosse dame criait va-t'en et appelait le commissaire. Sans prendre le temps nécessaire de me dire que j'étais innocent, je pris mes jambes et ma misère à mon cou, comme tout bruyant. Or, le gendarme, moins gaillard, ne prit pas le risque de laisser ses calories et son fuyard dans la nature sans voter. Il sortit de son bel écran. Un jour, quand ce noir et dur revolver et je n'en sais pas, dit ma bouche me chantait. Voilà, rien, voilà, viens nous, des sommations qu'il a dû boire une guinée. En tout cas, à l'instant d'après, j'étais bel et bien par terre à répéter le beau souhait.